Les crimes du Vatican, chapitre 4. Forces étrangères. L'événement que je vais décrire a eu lieu dans un petit village situé dans les montagnes d'une île des Canaries au sud-est de l'Espagne. Ce village, autrefois si plein d'entrain, était devenu étrangement tranquille pendant la nuit. Dès le coucher du soleil, les villageois commençaient à chuchoter. Personne ne sortait plus la nuit et le soir, on n'entendait plus les chansons habituelles. Le cœur des villageois était transi de peur. Ils fermèrent leurs magasins tôt dans l'après-midi. Les voisins se disaient: Viens, demain, il faut mieux te dépêcher, il se fait tard. Le mal était entré dans leur village. Même les animaux en étaient terrifiés. On entendait des voix étranges, extraterrestres provenant de la maison de la veuve Carmen Montez, une femme fidèle du catholicisme romain. Les nuits de Carmen se transformaient en nuits d'horreur. En chuchotant, les villageois se demandaient si des morts marchaient vraiment dans leurs rues désertes. Carmen alluma la bougie et se mit à prier la Vierge Marie pour que cette horrible force ne revienne pas cette nuit. Cependant, son cœur battait et des gouttes de sueur perlaient sur son front. En se retournant, elle sentit une sorte de froideur le long de la colonne vertébrale. Elle put entendre la porte d'entrée s'ouvrir lentement. Cette même porte, elle l'avait bien fermée à clé avant le coucher du soleil. L'étrange force revint. Sainte Mère, cria Carmen, j'entends le bruit des chaînes qui traînent sur le plancher. Carmen était déjà allée demander de l'aide à son prêtre. Elle lui avait raconté toute l'horreur qu'elle avait vécue dans sa maison, comment elle avait entendu des hurlements et des cris dans la nuit. Nous croyons, répondit le prêtre, que ce hurlement provient des tortures subies par votre famille dans le purgatoire. Ils demandent plus de messes, plus de bougies allumées pour adoucir leurs tourments. Ils ressentent les souffrances de leur agonie. Vous priez les aider à arrêter tout cela. Ah, mon père, continua Carmen, nous sommes très pauvres, pourriez-vous nous comprendre? Je ferai tout mon possible, père. On dit alors beaucoup de messes, mais au lieu de cesser, cela empira, toute la famille était effrayée, sauf Marguerite, qui était assise tranquillement dans sa chambre en récitant son chapelet. Marguerite se préparait à devenir carmélite, ordre catholique nommé frère de la bienheureuse Vierge Marie. Mais retournons quelques années en arrière, au moment où toutes ces nuits d'horreur avaient commencé. Carmen Montez avait une fille de 13 ans qui souffrait d'attaques épileptiques incontrôlées. Les médecins lui avaient dit qu'il n'y avait pas de remède pour la petite Marguerite. Carmen amena l'enfant dans un des lieux saints de la Vierge Marie en faisant un vœu que si la Vierge guérissait son enfant, elle ferait tout pour que la petite Marguerite devienne abbesse dans l'ordre des carmélites. Pendant qu'elle priait devant la statue de la Vierge Marie, une étrange force descendit sur Marguerite. Les attaques dont elle souffrait cessèrent complètement. Les médecins restèrent stupéfaits. La petite Marguerite se rétablit. C'était vraiment une guérison mi miraculeuse, et Carmen en rendit gloire à la Vierge Marie. Le jour où Carmen voulut habiller Marguerite avec la bure brune des carmélites pour voir comment celle-ci lui irait, une force pareille à un ouragan violent la frappa d'un coup assez fort. Cette force renversa tout dans la maison. Le prêtre du village se sentait troublé à cause des non-catholiques dans le village qui connaissaient les souffrances de Carmen Montez. Il désirait désespérément un miracle pour que la force de son église soit grandie, affaiblissant les non-catholiques. Aussi appela-t-il son évêque en demandant que quelqu'un vienne et apaise les âmes des morts dans le purgatoire pour qu'elles quittent la maison de Carmen. On me désigna pour l'aider et je me préparai pour l'exorcisme, en consacrant l'hostie en disant une messe appropriée. Un jour, pendant l'exorcisme, il sembla que toute la fureur de l'enfer se déchaîna sur la maison de Carmen Montez et cette force étrange devient de plus en plus intense. Je ne peux pas rester ici, cria Marguerite. Aidez-nous, demandait la mère. Tout cela se passa pendant que le prêtre local se trouvait devant leur porte. L'évêque lui avait dit de m'attendre car on m'avait prié de l'aider, moi, jésuite, instruit à faire de l'exorcisme et tout ce qui y est impliqué. Cependant, prié de les aider le plus vite possible, il était parti sans moi. Il essaya d'ouvrir la porte, mais dès qu'il toucha la poignée, quelque chose s'est mis en travers. Ensuite, quelqu'un fit sauter la porte et une force l'entraîna dans la maison par la baie de la porte. Puis, la porte fut refermée violemment et ceux qui se trouvaient dehors entendirent le cri de leur prêtre. Arrivé au village, au lieu de trouver le prêtre, je rencontrai son assistant. Je lui demandai où était le prêtre. Il vient de partir et nous attendra, Père Rivera. Cela ne me plaît pas. Il aurait dû m'attendre ici, répondis-je. La procession partit de l'église vers la maison de Carmen Montez. Les gens nous voyaient porter les objets saints de l'église romaine en forme de croix et toute la circulation s'arrêta pour la révérence. On savait qu'il s'agissait de funérailles ou d'exorcisme. Les gens sortaient de leur voiture pour s'agenouiller. Ils faisaient le signe de la croix comme si c'était Jésus-Christ en personne qui passait devant eux sous forme de ce petit objet, hostie. Ils avaient peur d'offenser l'hostie, Dieu, clergé ou leur église. Où était le prêtre? Demandai-je. Il était là, il est là-dedans, dit l'assistant. Donne-moi aussitôt de l'eau bénite. Pendant ce temps, la vaisselle de cuisine volait par les fenêtres cassées. On entendait une voix. « Dieu, aide-nous, Sainte Mère !»« Entrons, dis-je. »« J'ai peur, Père, » dit l'assistant. « Ne te fais pas de soucis, tu n'as qu'à me suivre. » Père Rivière a regardé. La porte s'ouvre, remarqua l'assistant. Le prêtre Fat jetait dehors, la tête en avant, tout ensanglanté. « Est-ce qu'il est mort, Sainte Mère de Dieu ?»« Il est mort. » Coupé en morceaux, comme s'il était dépecé au couteau. Vous ne devez pas entrer, criait l'assistant effrayé. Je dois entrer. Vous aussi, vous serez tué. Une force invisible me saisit et m'entraîna par la baie de la porte dans la maison. Les gens terrifiés se disaient que j'allais mourir, que j'allais trouver la mort. Je me mis à tourner comme une toupie, montant jusqu'au plafond. Quelqu'un me déshabilla et mes vêtements furent complètement déchirés. La scène à l'intérieur était un vrai désastre, un vrai cauchemar. Les filles de Carmen Montez se trouvaient tantôt sur le plancher, tantôt elles volaient dans l'air à toute vitesse en vomissant une matière verte. Cependant, la force déchaînée ne s'approchait point de Marguerite. J'entendais des cris et des éclats de rire. Un vent violent cassait les meubles et d'autres objets et les faisait voler partout dans la maison. Les chaises se rompaient. Finalement, je tombais sur le plancher couvert de mousse et de mucus vert. Au moment où j'essayais de bénir la maison avec de l'eau bénite, la tante de Marguerite s'écriait soudainement « Père, vous n'avez pas de croix !» Elle se pencha et à travers le plancher saisit des ciseaux, les ouvrant en forme de croix. La force passa tout de suite dans une autre chambre. À ce moment-là, tous ceux qui m'aidaient entrèrent par la porte d'entrée. Je saisis la croix et entamai une prière en latin. À peine commençai-je à prier que les jeunes filles tombèrent sur le plancher. On entendait du vacarme, des cris et des éclats de rire. Moi, je pris l'hostie, gâteau de Dieu, et je le donnai tout d'abord à Marguerite, qui était au centre de toute l'activité. Puis j'offris l'hostie à tous ceux qui étaient présents. Les voix disparurent lentement. Enfin, la force partit. Après tout cela, la maison avait l'air d'une boucherie. Étaient-ce vraiment les âmes des morts? Non. C'étaient des démons. L'hostie et la croix avaient-elles vraiment chassé cette puissance démoniaque? Non. C'était un plan subtil des démons pour que les gens s'approchent de plus en plus de ces prêtres pour être protégés au péril de leur vie. Les anges en rébellion contre Dieu ou les démons sont devenus l'armée des mauvais esprits. Ils sont capables, rusés, intelligents et puissants. Pour mieux comprendre leur activité, il faut retourner dans le passé. Le but des démons est de développer un système religieux occulte au moyen duquel ils pourront contrôler le monde, un système auquel le peuple croit, pour lequel il sera prêt à tuer et même mourir. Pour présenter leur système au monde, les démons se sont servis de deux personnes à Babylone, Sémiramis et Nimrod. Sémiramis s'était marié avec Nimrod, son propre fils. Babylone fut la première ville bâtie après le déluge. Les démons y établirent leur agence de représentation ou présidence. Sémiramis était la reine de Babylone. Nimrod dirigeait le peuple dans la rébellion contre Dieu. Les démons y posèrent le fondement de leur machinerie religieuse, au moyen de laquelle ils contrarierait l'œuvre de Dieu et enverrait des milliers de gens à la mort et à la ruine éternelle. Voici comment cela fut réalisé par Sémiramis. C'était une sorcière puissante et très belle, complètement dévouée aux démons. Il lui inspirait de nombreuses idées. Sémiramis incita l'humanité à se rebeller contre la loi de Dieu concernant le mariage. Elle institua le célibat religieux, servant de couverture religieuse à l'adultère, à la fornication, à l'homosexualité, à la sodomie et au lesbianisme. C'est l'origine du célibat catholique romain. Le célibat, à ce qu'on prétend, fait la sainteté d'un prêtre. Aujourd'hui, comme au temps de Sémiramis, les catholiques croient que le sacrement du Saint-Ordre célibat est supérieur au sacrement du mariage. C'est ainsi que la tradition des démons est mise au-dessus des commandements de Dieu. Les abbesses étaient des prostituées du temple, servant les prêtres de même qu'aujourd'hui. Dans le passé, elles s'appelaient vierges vestales. Aujourd'hui, elles sont la nouvelle mariée du Christ. Cette institution a inventé le confessionnal pour se pencher plus facilement sur les secrets de ses fidèles. Le peuple avait peur de ses prêtres. Il craignait le chantage. Les démons ont beaucoup aimé cette idée. Dorénavant, ils utiliseront les confessionnaux pour détruire les gens. La mort par crucifixion est aussi une des idées des démons. À l'origine, les croix étaient utilisées comme symbole occulte et adoré dans l'ancienne Babylone et en Égypte. Voilà les différentes croix qui sont à l'origine des symboles occultes. Nimrod était le maître de la guerre, magicien et sorcier. Il contribua au développement de l'astrologie. Il institua également la magie blanche et noire. C'est celui qui est appelé Moloch. Les sacrifices faits à Moloch étaient très étranges. Dieu, le Créateur, a établi le système de sacrifice d'animaux en tant que symbole de la turpitude du péché. Sémiramis, de son côté, se proclamait déesse et demandait qu'on lui sacrifie des enfants. Sur leur poitrine, on gravait le signe de la croix et on leur arrachait le cœur. Sémiramis était l'incarnation du mal, un des fils de Noé, Sem, patriarche de Dieu, qui vivait à cette époque, tua Nimrod, mettant ainsi fin à cette pratique occulte. Mais le peuple pleurait Nimrod. Leur héros était mort. Les démons tournèrent la mort de Nimrod à leur profit. Sémiramis proclama Nimrod Dieu et l'appela Baal, Dieu du soleil, alors que, pour elle-même, elle choisit la lune comme symbole. Elle exigeait que la lune soit adorée. Ensuite, elle devint enceinte, tout en affirmant être toujours vierge. Elle mit au monde un fils qu'elle nomma Tammuz et disait à tous qu'il s'agissait de la réincarnation de Nimrod. Sémiramis prétendait que l'esprit divin s'était incarné en elle comme mère. Elle se considérait vierge divine, mère, et sa statue, la représentant avec son fils Dieu, se rencontrait partout. Sémiramis attestait que Tammuz était leur sauveur. Par la suite, cette idée sera exploitée par les démons en vue de séduire des millions de personnes. L'histoire témoigne que les croyances sur Nimrod et Tammuz se sont répandues dans le monde entier. C'est ainsi qu'elles sont devenues populaires dans la religion aussi bien que dans la mythologie. Les dieux et les déesses furent l'objet de rêves et des espoirs. Ce fut là le fondement de tout un système mensonger. Donc, l'idolâtrie après le déluge est venue de Némiroth et de Sémiramis. Et on peut voir ces statues dans presque toutes les religions, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Sémiramis et Némiroth, ainsi que Tammuz, leur fils, est représenté partout, dans toutes les religions, sous des noms différents. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Vierge Marie et bébé Jésus. En Égypte, on la connaissait sous le nom de Isis et Horus, son fils. Mais partout, vous allez toujours voir que c'est toujours le symbole de la maman avec son bébé. Et ici en Asie, on l'appelait aussi Avalokiteshvara. Moi, je crois que ça doit être en Inde ou au Tibet, un truc comme ça. Donc, dans toutes les religions antiques, après Nimrod, bien sûr, après Babylone plutôt, Sémiramis et son fils ont continué à exister. Ce ne sont que les noms qui ont changé. En certains lieux, on l'appelait en d'autres lieux, on l'appelait Vénus, en d'autres lieux, on l'appelait Isis, en d'autres lieux, on l'appelait Aphrodite, ainsi de suite. Au Japon, Kami Materasu, ainsi de suite. C'est la même divinité, ce sont les mêmes divinités, c'est les noms qui changent. Donc, c'est toujours Sémiramis, Baal, son mari, et qui était également son fils, appelé Nimrod, ainsi que l'enfant qu'elle a mis au monde. Qu'elle s'appelait Tammuz, qui est représentée partout sur les différentes statues qu'on a vues. Alors, Sémiramis était connue comme reine du ciel, tandis qu'aujourd'hui on l'appelle Vierge Marie. Au cours de l'histoire, elle se montra en divers lieux, prenant la forme de personnes différentes. C'est la réincarnation démoniaque de Sémiramis dans toute son ampleur. Chaque pays a son propre saint ou sa propre vierge. En outre, les démons utilisent de temps en temps une étrange puissance. Celle-ci s'exprime souvent par de faux miracles. Ils présentent le mensonge adroitement, le rendant acceptable aux différents peuples. Les démons ont-ils la capacité de faire qu'une statue se déplace ou qu'elle parle? Oui. Ils l'ont fait dans le passé et le feront de même dans le futur. Ces miracles séduiront des peuples et leurs âmes seront ruinées pour toujours. Ces visions et phénomènes apparaissaient déjà dans les religions païennes, aussi bien que dans le catholicisme romain sous les noms de Vénus, Diane, Isis, Madonna, Vierge de Fatima, Mère de Dieu, de Batistra, de Bistrita, ainsi de suite. Et tout spécialement dans le temps où la fin du monde approche. Ces miracles seront utilisés comme une force motrice, tout comme auparavant. La vision de Fatima était un grand truc politique inventé par l'Église romaine. C'était une prophétie fausse, selon laquelle la Vierge Marie avait promis à ses adeptes qu'au cas où ils prieraient pour la paix, la Russie serait convertie au catholicisme romain. Je tiens à rappeler que depuis le début de la guerre de. C'est une parenthèse que j'ouvre. Au début de la guerre de Russie contre l'Ukraine, le Vatican a ramené cette histoire de la vision de Fatima concernant la Russie. Et le pape est allé là-bas pour aller faire une messe au cours de laquelle il a convoqué plutôt le président de Russie et le président d'Ukraine afin d'implorer la paix à la Vierge Marie. Donc cette vision, ils ont voulu la réaliser à travers cette guerre. Donc méfiez-vous, prenez les prophéties, les événements qui se passent dans l'actualité avec des pincettes et surtout à la lumière de la parole de Dieu qui est notre seule et véritable boussole. Et je parle ici surtout des prophéties concernant Apocalypse et Daniel. On y reviendra et vous pouvez voir déjà dans mes anciennes vidéos où j'ai fait la prophétie de Daniel chapitre 7 et d'Apocalypse chapitre 13 et 14. J'en donne déjà certains détails là-bas. dans les autres vidéos que j'ai faites par le passé. Alors on continue. Il est écrit dans la Bible que Dieu a choisi un peuple pour servir de lumière à ceux qui se trouvent dans les ténèbres des démons. Ce peuple devait montrer aux autres le caractère du Dieu véritable. Ce fut Israël, puis le peuple juif. Ils furent esclaves en Égypte pendant 400 ans. La religion de ce pays était fondée sur l'adoration du soleil. Plus tard, même aux dieux de Babylone, on donna des noms égyptiens. Ah. Dans les temples d'Égypte, les prêtres pratiquaient la transubstantiation, transformation. Ils affirmaient avoir une puissance magique pour transformer leur grand dieu Osiris en hostie. Un petit gâteau rond pour le manger ensuite pendant leur rite religieux et nourrir de la sorte leur âme. Alors nous voyons ici les hosties. Hostie, qui est le symbole en réalité du dieu soleil, appelé Baal ou Nimrod ou encore Osiris en Égypte. Et comme vous pouvez le voir, l'Église catholique ne l'a pas inventé. Ils la tiennent simplement de l'Égypte antique. Les hosties existaient déjà. Ils étaient consacrés à Baal et à Sémiramis, qui ne sont que les symboles du dieu, de la déesse Sémiramis plutôt, et de son fils Nimrod, qui se sont déifiés en dieu soleil et en déesse lune. Et sur l'hostie, comme vous pouvez le voir ici, si on clique dessus, vous allez voir, il est écrit IHS. IHS ici est le symbole de la trinité égyptienne, c'est-à-dire Isis, Osiris et Seth. On peut descendre ici sur une autre image. Vous voyez ici, IHS, Isis, Osiris, Seth. Et on peut aussi le voir sur certaines cathédrales. D'ailleurs, même le I a été changé, ils ont mis J pour essayer de tromper la masse, mais c'est bel et bien la trinité égyptienne, IHS, Isis, Osiris et Seth. Donc, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais vous donner le lien dans la barre de description d'une vidéo qui relate de la naissance de l'Église catholique romaine et de ses origines païennes. Cette vidéo va un peu plus en détail. Alors, on continue la lecture. Dieu a suscité Moïse pour faire sortir le peuple hébreu d'Égypte le plus loin possible de ce système religieux mortel et de l'occultisme. Puisque le pharaon refusa de laisser aller le peuple, Dieu fit venir de grands fléaux sur l'Égypte. Par ce moyen, il a rendu possible l'exode d'Israël. Puis, Dieu a ouvert la mer devant Israël, et après leur traversée, la mer s'est refermée, détruisant l'armée du pharaon. Finalement, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements sur la montagne de Sinaï. Après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué, fils de Noun, pour conduire Israël en Canaan, la terre promise. Les habitants de Canaan étaient aussi profondément plongés dans l'occultisme. Dieu ordonna à Josué de détruire les cultes cananéens, les faux dieux et leurs adorateurs. La corruption démoniaque de Babylone s'était répandue au camp Canaan. Les Cananéens avaient un dieu nommé Moloch, ce qui est un autre nom pour Nimrod. Ils lui sacrifiaient des enfants, les brûlaient sur des autels. Les Israélites n'obéirent pas tout à fait à Dieu. C'est ainsi que peu à peu, ils commençaient à servir ces dieux. À cause de leur infidélité, Dieu a permis que le pays d'Israël soit occupé et que finalement ses habitants fussent conduits en captivité jusqu'à ce que la conversion et la repentir se produisent parmi eux. Trompés par l'occultisme, les Juifs s'éloignèrent de plus en plus de Dieu. Le peuple fut séduit par le faux système religieux, comme dans le temps de Sémiramis. Ce sont les démons qui ont influencé l'élaboration des livres apocryphes et leur insertion dans la Bible. J'ouvre la parenthèse. Parmi les livres apocryphes, je ne vais pas tous les citer. Il y a des livres tels que... Attendez, je vais regarder ici. J'ai une version biblique qui a les livres apocryphes. Donc, il y a des livres tels que Tobie, Siracide et le reste. Donc, ce sont les livres apocryphes. Maccabée, Siracide, Tobie, et voilà, et les autres élèves là. Bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, on nous dit ici que ce sont les démons qui ont influencé l'élaboration des livres apocryphes et leur insertion dans la Bible. De cette façon, ils voulaient détruire ou du moins réduire la valeur de la Bible. Au concile de l'Église catholique à Trente en 1546, les écritures apocryphes furent approuvées comme inspirées de Dieu. C'est du livre des Maccabées, voilà, c'est l'un des livres apocryphes, un des apocryphes, que l'idée du purgatoire est ressortie. Voilà. En 1611, le roi James ou King James a été choisi pour traduire de nouveau la Bible sous l'influence d'un grand nombre de jésuites devenus membres de l'Église anglicane. Mais Dieu a sauvegardé sa parole écrite et ils n'ont pas réussi à la changer selon leur intention préalable. Cependant, à la suite de leur influence, les apocryphes furent inclus dans la première version. Ce complot étant découvert, les gens religieux qui respectaient la Bible ont rejeté ces apocryphes. De nos jours, à l'instigation des jésuites, on a réimprimé l'œuvre de 1611, version contenant des apocryphes. Les démons étaient très actifs dans les temps anciens, exactement comme ils le sont aujourd'hui. Inspiré des démons, l'Église a récemment établi la liturgie, cérémonie religieuse masquée, imaginée à faire croire au peuple que leurs guides religieux sont des saints. La loi canonique, ensemble des règles religieuses, commandements des hommes. Les dogmes, la vérité de l'Église romaine, règles qu'il faut strictement respecter dans sa conduite. L'Église catholique romaine est très stricte par rapport à la liturgie, à la loi canonique et aux dogmes. Pour le moment, les catholiques ont donné une permission provisoire pour qu'on puisse s'exprimer selon ses propres attitudes en vue d'acquérir la valeur des mouvements œcuméniques et charismatiques. Toutefois, ils sont toujours prêts à maudire tous ceux qui s'opposent ou essaient de changer l'essence de leur enseignement. Jésus s'adressait à Marie en l'appelant femme. La pauvre Marie ne pouvait même pas imaginer que dans les siècles à venir, des millions de gens seraient tués en son nom, que les démons la compareraient à Sémiramis et l'appelleraient reine du ciel. Il me faut dire aussi quelque chose de plus sur la croix, qui est considérée comme un symbole chrétien. La croix en tant qu'instrument de mort fut imaginée à Babylone par Sémiramis en l'honneur de Tammuz. Au début, la croix était en forme de lettre T, mais avec le temps, ce symbole s'est peu à peu corrompu. Dans le système romain, les victimes humaines étaient crucifiées non seulement pour expier leurs crimes, c'était en même temps un acte de sacrifice à leur dieu païen. La croix n'a jamais été un symbole chrétien. Effectivement, je suis désolé pour ceux qui en portent sur leur cou, ce n'est pas un symbole chrétien. Les démons ont incité également leur champion, Ignace de Loyola, à tuer tous ceux qui étaient spirituellement éveillés et tous les opposants à l'enseignement de l'Église romaine. Le Saint-Office a établi l'Inquisition et mis en branle sa machinerie infernale. Pendant ce temps de terreur, 68 millions de personnes ont été torturées et beaucoup d'entre elles furent brûlées sur le bûcher. Le Saint-Office, depuis lors jusqu'à présent, n'a pas changé les méthodes de torture et de persécution. Il n'a jamais cessé de fonctionner. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs furent tués à la gloire de Dieu. Le système n'a pas changé. Même aujourd'hui, le Saint-Office excite les passions comme jamais auparavant. Le pape Jean-Paul II a donné l'ordre d'instituer des sièges de tribunaux locaux dans les églises catholiques dans le monde entier. Ignace de Loyola a créé les Illuminati, organisation démoniaque qui contrôle les cerveaux des dirigeants européens au moyen de l'hypnose et de la sorcellerie. Loyola communiquait avec les esprits des ténèbres, demandant leur conseil au moment où il fonda cette organisation efficace et malfaisante. Ces mauvais esprits sont en réalité des démons, des anges rebelles. Inspirant par sa puissance le cerveau de Lola, les démons l'appelaient ange de lumière. En raison de son activité extraordinaire, Lola fut arrêtée par les dominicains, qui étaient les plus puissants et les plus influents dans l'Inquisition espagnole. Grâce au démon même, lui-même fut épargné de la punition de sa propre Inquisition. Ignace de Loyola alla tout d'abord voir le pape en lui proposant le concept d'un nouvel ordre de prêtres, dit compagnons de Jésus ou jésuites, dont l'intention serait de servir sa sainteté. Le pape accepta l'idée et Loyola devint le premier général jésuite. Il développait ses exercices spirituels pour atteindre la perfection spirituelle par la méditation systématique, la prière, l'introspection, la sorcellerie et l'illumination, Loyola tombait en extase. On le voyait même planer au-dessus du plancher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jésuites et tous sont sous l'influence de la puissance démoniaque, comme je l'étais moi-même pendant que je faisais partie de leur organisation. Les démons ont formé leur élite, l'ordre jésuite, pour qu'ils les suivent aveuglément en tout. Loyola puisait ses idées dans la science de la Grèce antique, dans l'occultisme et dans les sciences. Il désirait que ses prêtres deviennent l'intelligence de l'ordre religieux catholique romain. Loyola utilisait la philosophie, la logique, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychothérapie, la psychologie, la parapsychologie, l'hypnose, la télépathie. Aujourd'hui, toutes ces disciplines sont considérées comme étant du domaine de la science. Je tiens à ouvrir une parenthèse. Je vais chercher le lien de cette vidéo qui explique le danger de la plupart de ces domaines, soi-disant médicaux, qui sont originaires d'Asie. La plupart de ces activités, de ces domaines sont liées aux démons. Depuis l'hypnose jusqu'au yoga, ces pratiques sont démoniaques. À vous, les chers, de creuser aussi, de faire vos enquêtes, de faire vos recherches, parce que je ne peux pas tout livrer en une seule vidéo, et même pas en 10, même pas en 20, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe dans le monde occulte et sur le plan religieux. La méditation transcendantale était pratiquée dans les couvents comme une discipline fondamentale, par concentration et répétition des noms des saints et de la Vierge Marie. Ce qui provenait de Sémiramis ou bien par les prières adressées à ces saints et leur glorification. Ces gens attiraient de cette manière les démons. De nos jours, un bon exemple à cet effet, c'est la méditation transcendantale, dont le mantra est en fait le nom d'un puissant démon des Indes. Ah, vous qui faites des choses parce que c'est à la mode là, méfiez-vous. Par la répétition du nom du démon, il le convoque et à la fin, il les obsède et devient leur guide. Le fait de connaître le spiritisme donne aux prêtres jésuites la puissance de contrôler les autres peuples. Ignace de Loyola est devenu l'un des dirigeants de l'Église romaine. Il a mis son organisation occulte, Illuminati, sous l'égide de l'institution catholique romaine. Les Illuminati sont alors devenus la branche la plus importante de l'ordre des jésuites, mais en secret. Loyola n'ignorait pas que les Illuminati seraient capables de contrôler l'économie mondiale, le système bancaire international, les puissances militaires, toutes les branches de l'occultisme et toutes les religions du monde, et de pousser l'humanité à s'agenouiller devant le pape. Nul groupe de gens n'a plongé plus profondément dans l'occultisme que les jésuites. Leur étude intense de l'occultisme et leurs activités les conduisent de plus en plus près des démons. Aujourd'hui, ils travaillent dans le monde entier avec les experts en occultisme, en leur envoyant de l'eau bénite. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair. et que cela va ouvrir l'esprit à beaucoup de personnes. On a tendance à nous fatiguer l'esprit dans les médias avec les Illuminati, les francs-maçons et consorts, sans mettre l'emphase sur ce qui les coiffe tous, sur le plan spirituel, sur le plan militaire, sur le plan géostratégique, c'est-à-dire les jésuites, qui n'est autre qu'un service militaire ou une branche du Vatican. Donc j'espère que vous êtes maintenant avertis. Le 8 juillet 1980, le pape Jean-Paul II a déclaré qu'il n'avait rien à redire à l'occultisme fondé sur l'esprit du culte africain, quand celui-ci est imprégné de catholicisme. Il rappelle qu'un tel culte, une fois purifié, peut contribuer à la propagation de l'évangile du Christ. Les jésuites aident le développement de tels cultes en sous-main, au moyen de finances et en s'infiltrant parmi eux. Tous ces blancs qui viennent se convertir au vaudou là, qui viennent dans vos villages pour apprendre le vaudou, il faut bien faire attention. La plupart peuvent être des jésuites, comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant l'Inquisition et pendant l'esclavage. Ils viennent toujours en forme d'amis, ils prennent connaissance de vos réalités, de vos armes, de vos stratégies, de vos forces spirituelles, et une fois qu'ils en ont le contrôle, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de vous. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas changé de stratégie. Et plein d'Africains qui disent avoir des puissances surnaturelles sont toujours leurs premières victimes, malheureusement. C'est bien d'avoir des puissances, mais c'est aussi bien d'avoir une cervelle. Les jésuites aident le développement de tels cultes en sous-main, au moyen de finances et en s'infiltrant parmi eux. Chaque corps religieux nouvellement formé, ou bien une société, peut-être même secrète, est immédiatement visité par quelques jésuites. Ce nouveau corps sera vite influencé par ces visiteurs intelligents et aimables qui se porteront à l'aide de son développement. En réalité, il travaille n'ayant qu'un seul but, servir les intérêts du Vatican. Quand on a su que Loyola avait fondé l'organisation des Illuminati, les jésuites ont employé un autre membre fidèle du nom d'Adams Weishaupt, aussi sous serment. Son devoir était de faire semblant de quitter l'ordre jésuite et d'être le promoteur des Illuminati le 1er mai 1776. Cela a été fait pour montrer au monde que le système catholique n'a rien à voir avec les Illuminati. Nous devons comprendre que ce système n'a jamais été une religion chrétienne. Il est une imitation en tout. Leur Dieu, leur Jésus, leur Saint-Esprit ne se trouvent pas dans la Bible. Je le confirme pour avoir lu la Bible entièrement. Permettez-moi de l'expliquer. Avant l'explication, moi, je vais ouvrir une parenthèse. Alors, quand vous suivez les documentaires, et je crois que beaucoup de ces documentaires ont pour objectif d'écarter les gens le plus possible de la vérité, comme ils l'ont dit, qu'aucun lien ne se fasse jamais avec le Vatican. Adams Weishaupt, l'Allemand, est représenté comme étant le fondateur des Illuminati en 1776, et c'est ce que la plupart des documentaires et des médias publient. Et à force de lire et de regarder les médias, j'ai fini par comprendre en fait que beaucoup de médias semblent faire de la récitation. Ils se passent tous le mot les uns après les autres, et je crois que très peu en fait creusent vraiment concernant certaines vérités populaires. Comme une vérité populaire, on finit par tous la répéter sans avoir des preuves, sans creuser réellement. Adams Weishaupt n'est pas le fondateur plutôt de la société des Illuminati. Il en était membre et non le fondateur. Et d'ailleurs, c'est le 1er mai 1776 quand il aurait soi-disant fondé cette société. Alors que les Illuminati existent depuis 1647 environ. Et c'est Ignace de Loyola, le catholique romain, sous serment, qui créa cette société et qui a d'ailleurs qui en fit le premier président ou le premier prêtre. Alors on continue, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Nous devons comprendre que ce système n'a jamais été une église chrétienne. Il est une imitation en tout. Permettez-moi de l'expliquer. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10, verset 14. Il a ainsi témoigné de son amour envers les enfants. Or, les prêtres catholiques romains disent aux parents catholiques que le baptême des petits est absolument nécessaire au salut, car si l'enfant meurt non baptisé, il ne sera pas accepté par Dieu. Vous voyez la contradiction. Les parents ne connaissent pas les cérémonies anciennes relatives à l'acte de sacrifier des petits enfants à Baal, et qu'à cette occasion, on utilisait l'huile et le sel. Le même rite est maintenant pratiqué sur leurs enfants. Les parents exposent de cette façon leurs petits innocents à l'influence des démons babyloniens. Vous voyez, quand un peuple ne connaît pas d'où il vient, il ne peut pas savoir où il va. Quand on ne connaît pas l'histoire, il est difficile de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et quand on est dans l'ignorance, on est facilement manipulable. L'un des plus grands dangers que la masse, je vais dire ça comme ça, a toujours été exposée est celui de ne pas connaître le passé, de ne pas connaître l'histoire. Bien qu'on ait été à l'école, ce genre de choses ne nous sont pas données, ne nous sont pas dites à l'école parce que on n'aimerait justement pas qu'on le sache. Pourquoi? Parce que le moins on en sait et le mieux et le plus on sera manipulable. Et comme Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Tout ce qui a été sera encore. Tout ce qui est sera. Et c'est pour cela que toutes ces pratiques qu'on croit être venues de l'Église catholique romaine, en fait, remontent à Babylone, qui est la mère de tout le paganisme de l'époque après le déluge. Donc, le prêtre exige qu'on procède à un rite par lequel, prétendument, les puissances démoniaques seront chassées de l'enfant. Et pour le protéger, le prêtre met par l'huile le signe occulte de Tammuz sur la tête de l'enfant en forme de croix. Ah. Ensuite, il met du sel dans la bouche de l'enfant et celui-ci est baptisé par l'eau. Le petit enfant devient alors membre de la grande religion babylonienne du Vatican. Les catholiques croient que par ce rite, l'enfant est purifié du péché originel, qu'il devient l'enfant de Dieu. Ils croient que le petit enfant est né de nouveau. Satan utilise aussi la messe, imitation de la Pâque, qu'on appelle sacrement de la Sainte Eucharistie. Le gâteau rituel, appelé également l'hostie, IHS, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, cela est emprunté aux Égyptiens qui transformaient le gâteau en son dieu du soleil, Osiris. Voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est pourquoi l'hostie prend la forme ronde du soleil. Les lettres inscrites sur l'hostie catholique sont les mêmes que sur celles des Égyptiens, IHS, et représentent la trinité égyptienne, Isis, Horus et Seb. Il s'agit des noms de dieux égyptiens. L'Église romaine a appliqué cela aux trois lettres du nom de Jésus en grec. Les jésuites ont choisi ce symbole comme leur blason. Si un catholique romain ne participe pas au sacrement de la Sainte Eucharistie, il sera damné éternellement. Les catholiques qui prennent cet autre Jésus en forme de soleil ne mangent pas symboliquement le Jésus des évangiles, mais Baal, le symbole des démons. Le repaire des démons, le Vatican, lance avec beaucoup de succès le filet occulte sur ses membres. Il y a deux symboles utilisés le plus souvent par ce monstre cruel, la croix, symbole de la mort, et l'Eucharistie, ou la communion, que l'on prétend être un vrai service à Dieu. La croix est un signe occulte donné par Sémiramis, reine du ciel, en souvenir de son fils Tammuz, dieu du soleil, Baal. Sur la croix de Tammuz se trouve le symbole de Jésus mort. Mais en dépit de cela, les catholiques adorent cet objet religieux et prient devant lui. La croix est l'essence de l'occultisme et aux yeux de Dieu une chose maudite. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Deutéronome, chapitre 7, verset 26. Derrière la croix se trouvent de grandes puissances démoniaques qui lui donnent une force énorme, juste comme dans les films sur les vampires. Effectivement. Lors de l'exorcisme, dans le cas de Carmen Cortez, j'avais en réalité affaire au démon qui s'introduisait en tant qu'âme des décédés. La Bible dit que si un démon quitte une personne non convertie, il y retournera, mais avec sept autres démons pour pouvoir contrôler cet individu. Les démons se trouvent derrière la croix et l'utilisent prétendument pour chasser les démons plus faibles de l'âme des catholiques. De cette manière, un fidèle est prêt à être possédé complètement par des démons babyloniens. C'est ainsi que le démon les tient avec une énorme puissance dans le système catholique. Chaque croix, en tant que symbole religieux, sans égard à sa forme, qui se trouve dans une maison ou un couvent, influe fortement et directement toute personne qui la possède, car elle attire des démons. Par conséquent, si quelqu'un possède une croix dans sa maison, il devrait s'en débarrasser aussitôt. À l'âge de 14 ans, avec un groupe de notre collège, j'ai visité le couvent des Salésiens à Las Palmas, aux Canaries, pour voir comment cet ordre fonctionne. Il s'était spécialisé dans... Il manque un passage. Je travaille avec des orphelins. Mon ami et moi, nous courions sur le dé de ce couvent quand soudainement mon ami tomba dans une fosse ouverte, profonde à peu près d'un mètre et demi, de même largeur et longue de 2 mètres environ. Il se blessa en tombant et moi je sautai dedans pour l'aider à en sortir. J'essayais d'attraper une longue pièce de bois pour l'aider à s'en tirer. Et tout à coup, nous sommes empêtrés dans une toile enroulée semblable à un grand drap. Alors que je tirais le bois, la toile se déroula et je restais pétrifié par la scène. Là se trouvaient sept cadavres de petits enfants. Chacun d'eux avait trois croix autour du cou, une croix sur chaque paume de la main et sur les deux jambes, tandis que sur leur poitrine, il y avait deux grandes croix. Plus tard, un des garçons qui fut témoin de cette horrible scène la raconta à sa sœur de 13 ans qui fréquentait l'école pour les jeunes filles au couvent. Elle alla au confessionnal pour raconter l'événement à son confesseur. Peu après, son corps fut trouvé sans oreille, sans langue. En même temps, mon ami disparut mystérieusement et on ne le revit jamais. En apprenant ce qui s'était passé avec la jeune fille, j'ai eu des frissons de peur. Le même signe était posé sur sa poitrine. J'étais presque malade de peur et je croyais que j'allais mourir. Ces petits enfants étaient sacrifiés à Marie de la même manière que les enfants au temps de Sémiramis. Rien n'avait changé. On appelle la croix posée sur les victimes paix de Jésus ou Pax Christi. Les jésuites ont pris cette croix comme symbole démoniaque corrompu par l'adoration de Marie. Un enseignement catholique dit que Marie a souffert comme Jésus a souffert sur la croix, puisque elle aussi, il lui a été dit, une épée transpercera l'âme. Pour avoir la même compassion de Marie, les catholiques sont obligés de sacrifier quelque chose. Chacun doit souffrir pour Marie, pour pouvoir, à ce qu'on prétend, obtenir la paix du Christ. Si une abbesse perd beaucoup de sang en accouchant de l'enfant d'un prêtre, elle est privée de soins afin de pouvoir souffrir pour Marie et même, s'il le faut, mourir pour elle. On baptisait toujours un petit enfant avant de le sacrifier. Bien des fois, on a même torturé ses petits-enfants. Les jésuites prêchent que sans se sacrifier, l'homme ne peut pas gagner la paix. Donc, il n'y aura pas de paix avec Jésus si l'on ne fait pas préalablement un sacrifice au nom de Marie. Et ils disent que Marie sauvera la personne qui souffre pour son fils. Et cette personne fera la paix avec lui. C'est la raison pour laquelle on pose des signes en forme de croix. Un tel enseignement est tout à fait occulte et contraire à la Bible. Et on peut voir que la Marie catholique, en fait, n'est autre que Sémiramis. Au temps où j'appartenais aux jésuites, j'ai visité Lourdes en France et vu beaucoup de miracles de guérison produits par les démons. Les gens soi-disant guéris attribuaient toute la gloire à la Vierge Marie. Les multitudes s'en allaient dans l'admiration sans savoir que les esprits démoniaques peuvent aussi faire des miracles. Le mouvement œcuménique charismatique attire les non-catholiques au Vatican. Aujourd'hui, cette puissance peut être visible. Cette puissance peut être visible, peut agir par l'intermédiaire de nouveaux prêtres populaires qui organisent des réunions de guérison. La guérison se produit tandis que dans le fond, il y a une idole, la mère de Dieu. En réalité, c'est Sémiramis qui tient le dieu Baal dans ses bras. En proie à l'extase charismatique, les prêtres tiennent Baal élevé dans le symbole de l'occultisme, la croix. Nous avons déjà constaté que leur Jésus, c'est Tammouz, leur Marie, c'est Miramis, alors que leur hostie est prise des Égyptiens et représente le dieu du soleil, alors que la croix catholique, c'est l'essence de l'occultisme. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire. Vous aurez le lien du livre, le premier lien dans la barre de description. C'est le lien de téléchargement du livre. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre des likes, à commenter si vous voulez. Et surtout à partager pour que les personnes qui vous entourent, vos frères et sœurs qui sont dans l'ignorance, aient connaissance de ce livre très peu populaire écrit par ces prêtres jésuites catholiques romains, ce ex-prêtre jésuite catholique romain, Alberto Rivera, qui fut assassiné dans des conditions atroces, mais qui a pu laisser ce témoignage avant de s'éteindre. Portez-vous bien et vous trouverez les liens de cette vidéo dans la barre de description, le lien du livre également, et le lien de la vidéo qui fait référence à l'origine et à l'évolution du christianisme depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Et dans la vidéo, on parlera également de l'occultisme et de l'apparition de certaines divinités égyptienne, elle-même empruntée de Babylone, dans le culte des Romains, ensuite devenu le culte de l'Église catholique romaine. Allez, portez-vous bien et à plus.